Chapitre 4e. Impression de Dorothée. La femme la plus contenue elle-même ne peut tout à fait vivre sans trouver quelque issue naturelle pour laisser échapper tout ce qu'il y a de meilleur et de plus féminin dans sa nature. Les talents de Martial lui avaient été d'un grand secours et l'avaient conduite à une espèce de bonheur placide, une tranquille jouissance qui n'était pas même troublée par la crainte que cet état était trop charmant pour durer. Mais cependant, quelque accompli qu'une femme puisse être, il y a des moments où son esprit éprouve de la lassitude, où son intelligence fatiguée recule avec dégoût devant son travail accoutumé, où son cœur inoccupé soupire après quelque objet aimable pour remplir son affreux vide. L'esprit humain, quelque versé qu'il soit dans les combinaisons scientifiques des doux sons, ne peut être entièrement satisfait par d'harmonieuses séquences, des fugues bizarres, des mouvements contraires, et des septièmes diminuées ou plaintives. Des yeux humains, même ceux d'un artiste, doivent avoir quelque chose de plus à contempler que les rayons brillants et les froides ombres d'une aquarelle, et l'âme d'une femme qui a toujours besoin d'affection doit avoir quelque objet plus rapproché d'elle sur lequel elle puisse reporter ses plus vives sympathies, que deux personnages morts et disparus depuis longtemps, dont les majestueux fantômes apparaissent à travers les pages de l'histoire. Marcia, quoiqu'elle eût peu de droit à se ranger parmi la liste auguste des femmes remarquables, n'était pas une jeune fille absolument sans imagination. Elle avait ses préférées parmi les personnes qu'elle avait connues dès sa première enfance, et la principale de toutes était Dorothée. Dorothée était la fille de James Thurgood, le régisseur, et par conséquent la petite-fille de la vieille femme qui était la ménagère de Pauncefort. Dorothée avait 3 ans. Il marchait encore en vacillant lorsque Marcia en avait 7. Et dès cet âge, elle avait été mise sous la protection spéciale de la plus jeune fille de Sir Gaspard. L'enfant de 7 ans avait mis dans sa jeune tête de patronner la petite bambine aux joues roses, et depuis cette époque jusqu'à la mort d'Evelyn et le départ du baronnet pour le continent, Dorothée avait été l'écolière et la favorite de Marcia. Naturellement, dans ces circonstances, Dorothée avait reçu une éducation qui l'avait rendue très charmante, mais tout à fait incapable du genre de vie routinier grossier de la maison de son père. Elle s'en était bien aperçue pendant la longue absence de Marcia de Scarsdale, mais cela était fini maintenant, car Dorothée devait être la femme de chambre de Marcia, et elle allait vivre tout à fait à l'abbaye. C'était fort joli de voir ces deux femmes groupées ensemble par ce beau soleil d'automne dans l'embrasure profonde d'une des croisées de la chambre qui avait autrefois servi de salle d'études aux deux filles de Sir Gaspard et qui était le salon particulier de Marcia, religieusement interdit aux étrangers. Marcia était assise sur la saillie intérieure de la fenêtre, garnie de coussins, ayant le soleil derrière la tête pendant qu'à ses pieds, Dorothée, agenouillée sur un petit tabouret bas, regardait, les yeux levés avec amour et respect, la figure pensive de sa maîtresse. Ce pâle visage, avec ses traits délicats, nettement dessinés, faisait un agréable contraste avec les joues roses et les cheveux châtains dorés par le soleil, qui tombaient en boucles retenues je ne sais par quel moyen, les yeux malins, couleur noisette, les lèvres rouges comme des cerises, toujours prêtes à s'épanouir en séduisant sourire, le double menton lascif, les deux fossettes cachées à chaque coin de la bouche, qui formaient le charme divers de la fille du régisseur. Elle était ronde et potelée, et son genre de beauté annonçait un aimable caractère. Enfin, elle était créée pour être la reine d'un jour de mai et l'idole d'adorateurs rustiques. Et mieux que tout cela, elle n'avait pas la moindre conscience de sa beauté. Cependant, ce n'était en aucune façon une femme à l'esprit élevé. Elle adorait les belles parures et serait restée une nuit toute éveillée à penser à un nouveau chapeau, à une estampe coloriée qu'elle avait vue dans un des grands magasins de Roxborough. Elle était vaine et frivole, et aurait aimé à être jolie. Mais elle n'avait pas l'idée qu'il pût y avoir aucune beauté dans une figure courte, aux joues rondes et rouges, ayant un impertinent petit nez qui pointait toujours vers le ciel, sans aucune prétention à la sublimité. En contemplant son image dans un miroir, la pauvre Dorothée soupirait en pensant combien elle eût été jolie. Si elle eût été grande et mince comme Marcia, et si elle avait possédé un visage orgueilleux et pâle, et des sourcils noirs bien arqués au-dessus de beaux yeux gris clairs. Dorothée adorait sa dame et maîtresse, et trouvait qu'elle réunissait toutes les perfections de la femme. Porter une robe de soie noire simple et sans lustre, comme celle d'un recteur, un col étroit en toile, entourant strictement son cou mince, comme celui d'un cygne, avoir des mains fines, fluettes et blanches, toutes étincelantes de bagues de diamants, et rester tout le jour dans de beaux appartements, semblait à Dorothée la plus grande des perfections du bonheur humain, dont le cours pouvait seulement être troublé par une mort soudaine. Dorothée, ayant ses idées profondément enracinées dans l'esprit, contemplait sa maîtresse avec une espèce d'étonnement, car Marcia acceptait les jouissances de sa vie avec un calme qui ressemblait beaucoup plus à la résignation qu'au bonheur. Était-il vraiment possible que la possession de ces bagues de diamants, de ces innombrables robes de soie, pouvait devenir monotone et indifférente par une longue habitude? Oh, s'il en était ainsi, quel triste univers le monde devait être, et en dehors de ces choses matérielles, où un jeune esprit pouvait-il chercher la réalisation de son idéal de parfait bonheur? Le cœur de Dorothée n'avait jamais encore ressenti les agitations fiévreuses d'un amour inquiet, et jusqu'à ce moment, son paisible sommeil avait seulement été troublé par la vision d'un nouveau ruban de bonnet ou d'un collier de corail acheté à la foire de Roxborough. C'était le troisième jour après le retour de Marcia à Scarsdale, le lendemain du simple petit dîner dont Pensford avait été le convive presque malgré lui, et Dorothée était enchantée de ce qu'elle appelait une longue causerie charmante avec sa maîtresse. Il arriva que ce fut souvent Pensford qui fournit le principal sujet de cette causerie longue et charmante, et comme la conversation était presque entièrement alimentée par la vive Dorothée, ce fait n'était pas extraordinaire. Marcia, revenant de voyager sur le continent, pouvait avoir beaucoup de choses à raconter à sa petite servante, mais Dorothée, ayant passé toute sa vie à Scarsdale, devait nécessairement être plus restreinte dans le choix de ses sujets. « Oh, mademoiselle Marcia, je suis sûr qu'il est très pauvre, » dit-elle tout à coup à la fin d'une longue énumération des habitudes et des manières du locataire de Sir Gaspard. « Mais pourquoi, chère petite ?» demanda Marcia avec un sourire. Elle était en humeur paresseuse ce matin-là. Elle avait jeté de côté une composition musicale dans laquelle des quintes consécutives revenaient à la basse en dépit d'elle. Elle avait jeté de côté son cahier de musique et fermé le piano. En ce moment, elle éprouvait un agréable engourdissement dans cet air embaumé à ce doux soleil et au gentil bourdonnement de la douce voix de Dorothée. « Pourquoi penses-tu qu'il est pauvre, ma chérie ?» Dorothée poussa un petit soupir. Elle avait l'habitude toute féminine de se dispenser des conclusions et l'habitude aussi de n'être pas très claire quand une fois elle était forcée d'y arriver. « Eh bien, » murmura-t-elle pensivement, « d'abord parce qu'il porte un habit râpé, râpé. » « Cela peut être par goût, ma Dorothée. » Un vieux vêtement est quelquefois si agréable à un homme paresseux. Et cependant, j'ai peine à croire que M. Pensford soit paresseux. Ou ce costume râpé est peut-être une affectation d'excentricité. Mais non. Depuis que je l'ai vu hier soir, j'ai peine à m'imaginer qu'il puisse être coupable d'aucune espèce d'affectation. En somme, ma chère Dorothée, il peut y avoir une douzaine de raisons pour lesquelles il peut porter une veste de chasse usée. Et pas une d'elles n'est nécessairement le manque d'argent. « Oh, mais je pense qu'il est pauvre à cause de plusieurs autres choses. Ce n'est pas seulement pour son habit. Il y a un motif pour lequel je pense qu'il est très, très pauvre, » dit Dorothée en secouant la tête et pinçant ses lèvres avec une solennité extraordinaire. « Et quel est ce motif, ma chère ?»« Il ne donne jamais rien aux pauvres. Jamais, jamais. Cependant, je suis sûr qu'il est charitable, car il va souvent voir les pauvres gens. Il s'assied chez eux, écoute le récit de toute leur misère, et leur fait un tas de questions, au point qu'il commence à croire qu'il va faire beaucoup de choses pour eux. Puis il s'en va et ne fait rien. Naturellement, cela serait très peu charitable s'il était riche. Je n'ai pas oublié ma grammaire, mademoiselle Marcia, s'il était, mot du subjonctif. Ainsi, je suis persuadé qu'il doit être effroyablement pauvre. Je dis effroyablement parce que c'est effroyable. Pour les gens riches d'être pauvres, Dorothée. Oui, je m'imagine que c'est affreux pour des gens qui devraient être riches d'être pauvres. Savez-vous, mademoiselle Marcia, je pense quelquefois que le gentleman de l'Ermitage est... ce mot où je mets toujours le TH à la place où il ne faut pas. Misanthrope. Oui, c'est cela. Misanthrope, s'écria Dorothée en faisant claquer ses lèvres avec triomphe aux deux dernières syllabes. Oh, c'est réellement une pitié qu'on ne puisse pas inventer un mot plus court pour signifier sauvage et retiré sans être vulgaire. Je pense qu'il est misanthrope parce qu'il se renferme avec ses livres plusieurs jours de suite. Et ma grand-mère dit que pendant tout le temps qu'il a passé à l'ermitage, il n'a pas fait une seule connaissance à Roxborough. Et s'il ne vous connaissait pas, mademoiselle Marcia, je pense qu'il deviendrait sauvage. Misanthogamiste, à force d'avoir l'âme mécontente, car combien il doit soupirer souvent, penché sur ses livres. Ah, Dorothée, tu es un fou chien jupon. Je me rappelle tout ce qu'on dit de lui, mademoiselle Marcia. Joseph Fouché, ministre de la police sous Napoléon Bonaparte, né à la Martinière, près de Nantes, en 1763, créé duc d'Otrante en 1809, mort en 1820. Dit Dorothée, en se frottant doucement les mains, enchantée de se souvenir si bien de ses leçons. Savez-vous, mademoiselle Marcia, que lorsque je suis dans la chapelle le dimanche, je me demande si je parais différent des autres jeunes filles. Si on s'aperçoit que je sais l'histoire, la grammaire, la géographie et autre chose semblable. Mais mon Dieu, mademoiselle, je finis par penser qu'un ruban de bonnet fait plus de différence que l'éducation, quelle qu'elle soit, murmura Dorothée d'un air pensif. Marcia caressait les jolies boucles châtain dorées avec ses doigts minces et blancs, en se demandant s'il avait été bien sage de faire entrer dans cette tête naïve la seconde édition de tous les faits difficiles qui avait filtré à travers son propre cerveau. « Je crains que ton éducation ne soit pas très utile dans ce qu'on appelle la vie pratique, ma chérie, » dit-elle tout à coup. « Mais l'éducation doit toujours avoir une influence civilisatrice et la civilisation mène à la bonté. D'ailleurs, qui sait ce que ma Dorothée peut devenir plus tard? Il peut arriver un jour où il te sera très utile de parler passablement l'anglais et d'avoir une jolie écriture lisible. » Quant au Goldsmith de Pinocchio et aux questions de Mangnall, le monde doit toujours avoir quelques relations agréables pour ceux qui connaissent tous les morts remarquables qui l'ont habité. En attendant, toi et moi, pour être compagne à un moment donné, Dorothée, ce qui se pourrait difficilement si tu étais tout à fait comme les autres filles qui sont assises près de toi à la chapelle. Oh non, mademoiselle Marcia, elles sont trop épouvantables. Elles se servent toujours de quantité de haches en parlant, et leurs mains sont si rouges et leurs bottines si grossières, et leur respiration si forte, que c'est tout à fait désagréable d'être assise auprès d'elles. Mais oh, mademoiselle, je ne suis pas assez bien pour être votre compagne toujours, mais vous êtes bien bonne pour moi. Le suis-je réellement? J'ai peur que ma tendresse ne soit pas sans quelque mélange d'égoïsme, et peut-être après tout une tendresse mal entendue. Égoïste, chère mademoiselle Marcia, vous? Vous qui êtes si bonne pour tout le monde et si tendre pour moi. Car c'est bien aimable à vous de ne pas m'empêcher de porter chapeau, s'écria Dorothée en secouant ses beaux cheveux au point de faire onduler ses boucles et ses petites mèches d'une manière tout à fait séduisante. Mais que disais-je tout à l'heure? Reprit la fille du régisseur. Ah, je parlais de son air mélancolique. De l'air de qui, ma chère? Demanda Marcia d'un air rêveur. Elle songeait à sa sœur morte. Il était tout naturel que son retour à l'abbaye rappelât très vivement à son imagination l'image de la pauvre jeune fille. Cette maison était si triste, si ennuyeuse, si complètement vide, sans cette Ébeline, si remuante et si enjouée, qu'elle avait l'habitude de faire irruption une demi-douzaine de fois dans la chambre de Marcia dans le courant de la matinée. Une belle créature vive et spontanée, dont la présence remplissait d'éclat et de vie cette pièce si monotone. « Et je suis sûr qu'elle m'aimait un peu, » pensait Marcia tristement. « Et maintenant, il n'y a plus personne. »« Non, personne pour m'aimer. » Il y avait la petite Dorothée qui regardait la figure pensive de sa maîtresse. Mais quoique l'affection de Dorothée fût une très douce chose, elle n'était pas exactement ce qui pouvait remplir le grand vide d'un cœur comme celui de Marcia. Elle ressemblait beaucoup trop au joli ramage d'un oiseau qui agite ses ailes et vient tendrement se percher sur le doigt qu'on lui tend, ou aux gentillesses d'un petit bichon favori roulé aux pieds de sa maîtresse. Ce retour à Scarsdale faisait à Martial l'effet d'une blessure que le temps a déjà presque cicatrisée et qui se rouvre. Et ses pensées étaient bien loin du sujet du naïf babillage de Dorothée, qui roulait sur le seul événement des 12 derniers mois, l'arrivée de George Pounceforth à l'Ermitage. Et comme je le disais tout à l'heure, mademoiselle Marcia, continua sans reprendre haleine Dorothée, avec ce caquetage continuel attribué vulgairement au pie, je suis sûr qu'il est pauvre, effroyablement pauvre, et je pense quelquefois que c'est cela qui le rend malheureux. Parce que, vous savez, il est si intelligent, oui, il doit être très très intelligent, car vous ne l'ignorez pas, il lit continuellement, toute la journée, et encore bien souvent toute la nuit. Et il doit sembler dur à une personne aussi intelligente d'être séparée du reste du monde et de vivre au milieu d'un bois et de ne voir personne à cause de sa pauvreté. Mais tu disais il y a un instant qu'il était misanthrope, Dorothée, dit Martial, sortant par un effort de sa longue rêverie sur la morte. Les misanthropes ne pensent pas que c'est un malheur d'être séparé du reste du monde. Vraiment, mademoiselle? Je pensais qu'on devenait misanthrope quand on ne pouvait parvenir à être autre chose. Ce doit être beaucoup plus économique de mépriser la race humaine que de porter de beaux habits et de donner de bons dîners. Il peut exister un honnête amour de la solitude, Dorothée, et un dégoût naturel pour le bruit et les luttes du monde. Te souviens-tu du proverbe français que je t'ai appris ? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ce que disent généralement ceux qui ont brûlé la chandelle et ont perdu au jeu. Mais je suppose qu'il y a quelques gens sages qui gardent leur chandelle et s'éloignent des tables de jeu. Monsieur Pounceforth doit être de ce nombre. Je ne pense pas cela, mademoiselle, répondit Dorothée avec un grave mouvement de sa tête bouclée. Je pense que c'est un personnage qui a eu une grande fortune et qui l'a dépensée. Et quoiqu'il porte la tête haute et qu'il semble rejeter ses ennuis loin de lui, parfois il ne peut s'empêcher de soupirer lorsqu'il songe combien il était riche jadis. Voilà ce que je pense, mademoiselle, et ce que pense aussi ma grand-mère. Elle a essayé de savoir la vérité du domestique de M. Pounceforth, mais elle dit qu'il vaut autant questionner une tombe que lui, peut-être mieux, car elle vous dit toujours quelque chose, lors même que ce n'est pas la vérité. Et après cela, le babillage de Dorothée laissa de côté le nom de Pounceforth et continua à déborder sur d'autres sujets. La main de Marcia était posée tendrement sur la jolie tête qui était restée sur ses genoux, pendant que son esprit errait au loin dans les régions du passé. De temps à autre, elle quittait pour un moment ce monde plein d'ombre pour dire quelque chose d'aimable à son enthousiaste petite femme de chambre. Et même, lorsque ses pensées étaient le plus égarées, ce second sens grossier, cette superficielle intelligence qui nous sert, dans les choses de la vie ordinaire, tandis que l'âme s'élance dans le pays des nuages, prenait connaissance de tout ce que Dorothée disait. Ce fut ainsi que Marcia reçut ses premières impressions sur George Pounceforth. Les conjectures de Dorothée sur la position de ce gentleman dans le monde furent acceptées par sa maîtresse, peut-être principalement parce que le sujet était trop indifférent pour être digne d'une sérieuse discussion, et une fois adopté sans examen, elles devinrent une conviction enracinée. Lorsque Pounceforth fit sa seconde visite à l'abbaye, il avait échangé sa jaquette de chasse en velours pour un habit, mais le drap de cet habit était passablement usé et sa coupe remontait à plusieurs années avant l'arrivée de l'étranger à Scarsdale. Cet habit aurait paru excentrique et passé de mode sur un homme de condition médiocre. Quelle distance incommensurable il y a entre un gentleman comme Brummel, créé par l'heureuse inspiration d'un artiste de talent, et le calme gentleman anglais de noble race, dont la grâce hautaine est l'héritage qui lui a été légué par les croisés qui combattirent à Acre, ou par les chevaliers qui virent la terre toute rouge du sang de la chevalerie française massacrée sur le fatal champ de Crécy. Sir Gaspard, auquel on ne plaisait pas facilement, s'était enthousiasmé du solitaire qui occupait l'ermitage et se félicitait de sa nouvelle connaissance. Le baronnet était tout prime sautier, et même un peu frivole. Le coup, coup affreux, dont le destin l'avait frappé, était tombé sur une nature trop faible et trop égoïste pour que l'affliction l'élevât et le rendît sublime. C'était un homme qui ne supportait pas beaucoup mieux les décrets du ciel qu'il n'aurait supporté les cruautés imméritées d'un assaillant terrestre. Quand sa fille était morte, il n'avait pas courbé la tête et ne s'était pas résigné, avec l'heureuse croyance que sa fille l'avait seulement précédé dans une plus belle région où il pourrait la suivre un jour s'il s'en rendait digne. C'était un disciple de ces brillants philosophes dont les génies ont brillé avec un triste éclat la veille de la Révolution française. Le sépulcre de son enfant bien-aimé était une horrible chose qu'il fuyait pour tâcher d'oublier son chagrin, en contemplant la frivolité humaine et en cherchant à s'amuser lui-même dans différentes zoos d'Allemagne ou en parcourant à la hâte les galeries de peinture italiennes. Il se peut que la soudaine prédilection de Sir Gaspard pour la société de George vint principalement de ce que l'étranger était la seule personne à Scarsdale dont la présence ne lui rappela pas la morte. Avec le locataire de l'ermitage, le père privé de sa fille se sentait en sûreté. Nulle chance d'allusion à l'enfant perdu, nulle mention de son nom à demi rétracté ne pouvait tomber des lèvres d'un homme qui ne l'avait jamais connu. Il est difficile pour toute créature humaine rattachée à l'éternité future par le plus faible lambeau de la foi chrétienne de comprendre l'indicible horreur que la mort apporte quand elle franchit le seuil d'un athée. Pour Sir Gaspard, nulle consolation n'était possible. Le seul adoucissement que son chagrin pouvait recevoir par intervalle était l'occupation. Il était parvenu à se distraire de temps en temps par ses voyages rapides et incessants sur le continent, jusqu'à ce qu'il eût parcouru toutes les régions où le sybarite peut voyager sans trouver trop de feuilles recroquevillées parmi les roses, et il revenait maintenant avec la vague intention de s'occuper à quelque travail sans suite, tel que de faire bâtir, de s'occuper de philanthropie ou de culture, à la vapeur. Dans ces dispositions, le baronnet fut presque heureux d'entendre parler de la cheminée menaçant ruine à l'ermitage. Il envoya un messager chercher en toute diligence l'architecte de Roxborough, le lendemain de la visite de Pensforth à l'abbaye, et après une très longue consultation solennelle avec ce gentleman, consultation à laquelle le locataire de Sir Gaspard fut spécialement invité, certaines améliorations furent convenues qu'il ne devait en aucune manière détruire le pittoresque moyen de l'ermitage, mais assez importantes pour rendre ce lieu inhabitable durant l'espace de quelques semaines. « À quelle époque me ferez-vous l'honneur de venir prendre vos quartiers ici ?» dit Sir Gaspard. « J'ai l'intention de devenir aussi familier avec le Niger qu'avec la Tamise, et je compte sur vous, Monsieur Pensforth, pour me donner la délicieuse sensation de jouer à cache-cache avec une famille de lions chaque soir. Vous êtes bien bon, Sir Gaspard. Je pensais que je ferais quelques petites courses pédestres. Et vous me priveriez de mes explorations en Afrique? Oh, une excursion pédestre en octobre, les jours humides et les soirées brumeuses amènent les rhumatismes et la sciatique. Avez-vous regardé votre baromètre ce matin? Non, je suis sûr que vous ne l'avez pas fait. « Je suis un paresseux, Monsieur Pensforth, et comme tous les gens paresseux, j'ai appris à connaître le temps à certains signes. Nous allons avoir un temps abominable pendant un mois. Regardez ce ciel bas et gris, et puis refusez, si vous l'osez, à l'abri de ma chambre bleue en faveur des bruyères glissantes et des bois humides. » Le locataire de Sir Gaspard hésitait. Il regardait par la croisée, puis dans la chambre. Il était 5h30 de l'après-midi, et le jour commençait à tomber. Le triste ciel gris et le paysage plein d'ombre au dehors contrastaient lugubrement avec l'éclat de la flamme du foyer au-dedans. Il y a une étonnante magie dans la lumière rouge et brillante d'un bon feu. Assurément, cela doit être la magie des souvenirs, de souvenirs datant de jours déjà bien loin, où l'enfant âgé de quelques mois reposait sur les genoux de sa mère et riait pour la première fois en voyant les flammes danser dans l'âtre. George jeta un coup d'œil dans la chambre et pendant un moment il hésita. Sa résolution étendit ses ailes et s'égara dans le chaos. La conférence avait lieu dans la bibliothèque, la pièce dans laquelle Pensforth avait surveillé les mains blanches de Marcia voltigeant sur les tasses à thé la soirée précédente. La flamme, en brillant sur le maroquin des reliures de livres qui garnissaient les boiseries, du parquet au plafond, rendait la chambre radieuse et semblait glorifier le foyer. Il n'y avait pas jusqu'au bronze courroucé du dieu de la mer lui-même qu'il ne parut s'adoucir sous cette charmante influence et moduler sa voix monotone pour la rendre plus agréable. Quelque invisible esprit, en pénétrant l'atmosphère de sa subtile présence, semblait murmurer « C'est le foyer domestique, cette mystique région que tu n'as pas habitée depuis 15 ans. Sois le bienvenu, pauvre voyageur du désert, sois le bienvenu, pauvre oiseau égaré d'un nid détruit, sois le bienvenu, pauvre être sans amis, retiré sous la tente solitaire, exposé au froid d'un ciel impitoyable, sois le bienvenu, ah, le foyer, le foyer. » Et alors un autre esprit, d'une nature rebelle et raisonneuse, s'élevait dans le sein de cet homme et criait « Qu'as-tu fait pour abandonner cet agréable abri, pour fouler les contrées lointaines, n'ayant pour compagnon que des vagabonds sans asile? Es-tu un paria que tu dois fuir les mains de l'amitié et aller te cacher au milieu de paysans grossiers, de voyageurs proscrits ?» Il y eut une courte pause pendant laquelle Sir Gaspard s'amusa à activer les bûches empilées sur le charbon de terre, et Lord George répondit « J'accepte votre invitation, Sir Gaspard, aussi franchement que vous me la faites. Je n'ai nulle raison pour refuser votre hospitalité et reculer devant votre bienveillance. » Il dit cela avec quelque orgueil dans son ton et un faible rayonnement sur sa figure bronzée. « Bon, » s'écria le baronet en posant sa main sur la sonnette. « Alors je veux dire à Madame Browning de donner de l'air à la chambre bleue. Vous viendrez demain et les maçons commenceront leur travail dès qu'ils voudront. Vous amènerez votre domestique. Je me représente Diogène escorté d'un domestique. Rappelez-vous que vous échangez un ermitage pour un autre. Pas de dîner de cérémonie, ni jolie fête, ni jeunes gens au cerveau vide pour jouer au billard par les matinées pluvieuses. Rien qu'une bonne grosse maison assez bien remplie d'objets d'art et un vieillard chagrin et sa fille. Pensez-vous que vous pourrez être heureux avec nous ? Je crains seulement de l'être trop. Que voulez-vous dire ? Une vive rougeur illumina la figure de Pensforth quand le baronnet lui fit cette question. Pendant un moment, il sembla même un peu confus, et à peine capable de répondre à cette simple interrogation, mais la minute d'après, il répliqua très tranquillement. « Vous vous souvenez de ce que le Dante et Tennyson ont dit sur le chagrin qui dépasse tous les autres chagrins ?»« Il y a des circonstances dans l'histoire de ma vie qui font qu'il est impossible que j'aie jamais un foyer. Supposez-vous que Diogène ait été libre de choisir quelque chose de mieux que son tonneau ?» Je ne puis imaginer l'humeur cynique qui naît dans l'homme. Pour moi, je crois seulement que c'est la phase réactionnaire du chagrin. J'ai été très bien là-bas, avec l'esprit du cavalier aux beaux cheveux qui n'a pas voulu cependant se révéler à moi, sous une forme palpable. Serait-il sage d'échanger ma solitude pour une société agréable et l'atmosphère d'une maison, puisque je serai obligé de les quitter bientôt après ? Sir Gaspard leva les épaules. Vous serez fatigué de nous bien avant que les maçons aient fini leur travail, et vous serez heureux de retourner dans votre solitude. Les hommes sont créés pour se fatiguer les uns les autres. Si vous n'êtes pas là de nous, vous serez libre de revenir autant qu'il vous plaira. Vous ne serez pas troublé ici par la vue d'aucun bonheur domestique inaccessible. Vous serez l'hôte d'un vieillard solitaire qui a été dépouillé de tout ce qui rendait sa vie brillante et qui fait de son mieux pour passer l'existence avec l'esprit frivole d'un persifleur, parce qu'il a pour toujours perdu toute chance, de plus grande jouissance, que le plaisir temporaire tiré de la saveur d'un bon vin, ou de l'agréable causerie d'une connaissance intelligente. Vous rappelez-vous ce que Voltaire dit, M. Pounceforth ? L'existence est un enfant qu'il faut bercer dans son berceau jusqu'à ce qu'il s'endorme. Vous et moi avons chacun nos peines. Pourquoi ne nous bercerions-nous pas l'un l'autre ? Naturellement, la discussion se termina par l'acceptation par George de l'invitation de son propriétaire. Il retourna l'ermitage en réfléchissant à tout cela avec la même disposition d'esprit qu'il y avait songé la veille tout en cheminant sous les étoiles. Était-ce sage ? « Bon, quel mal peut-il en résulter ? » pensait Pensforth avec impatience. « Suis-je devenu un radoteur ? que j'examine une affaire si peu importante aussi solennellement que si c'était le point culminant de ma destinée? Quelle importance cela peut-il avoir que je m'en aille ou que je reste? Et cependant, après 15 ans d'exil volontaire de la société civilisée, y rentrer me fait presque le même effet que si je violais un vœu. Ferais-je mes paquets, m'en irais-je plus loin? Partirais-je demain pour Tripoli, au lieu d'établir mes quartiers à l'abbaye? Non. Je suis revenu pour que ma tombe repose en Angleterre, et tant que cet homme conservera ses habitudes solitaires, je n'aurai pas d'abri plus sûr que les bois de Scarsdale. S'étant une fois départi jusqu'à un certain point de la résolution qui avait réglé ses actions depuis 15 ans, Pauncefote devint tout à coup le plus indécis des hommes. Le reste de la soirée, après son entrevue avec Sir Gaspard, il sembla en proie à une perpétuelle inquiétude d'esprit, qui ne put même pas être calmée par cette grande consolatrice, sa pipe. Il arpenta sa chambre de long en large, prit une demi-douzaine de livres sur leur tablette, seulement pour jeter un coup d'œil sur leurs pages avec distraction, puis le rejeta avec impatience. Il posa sa pipe, dont le contenu n'était qu'à demi consumé, et ce ne fut qu'après 11 heures qu'il sonna son domestique pour lui dire de tout préparer pour son séjour à Scarsdale. Les préparatifs ne devaient demander que peu de peine, car la garde-robe de Pauncefote, excepté sous le rapport du linge, était extrêmement limitée. Le locataire de Sir Gaspard sembla beaucoup plus à son aise après qu'il eut donné ses ordres décisifs à son domestique. Il s'assit dans un énorme fauteuil à l'ancienne mode près du feu. Le cavalier tué s'est peut-être assis dans ce siège et il reprit sa pipe d'écume de mer. Alors, pendant qu'il regardait les nuages bleus de la fumée s'élever dans l'air et se disperser lentement, il laissa errer librement son esprit partout où il voulut. Il pensa à Sir Gaspard, dont les meilleures qualités étaient enterrées dans le tombeau de la morte, et à la fille pensive du baronnet, condamné à ne jamais connaître l'amour d'un père, portant le fardeau de son chagrin avec une tranquille résignation qui était plus admirable à voir que la gaieté de la plus heureuse femme. La femme de charge avait bien raison, pensait George, Sir Gaspard n'est pas méchant pour sa fille, mais il la dédaigne et ne s'en occupe pas.